pas l'habitude de me poser. Tu sais, depuis mes noms, je restais solo. Dans ma tête avec la monnaie. Posé dans l'escalier avec des poteaux. Toutes les gadgets, tu les fais sauter. Si t'as mon cœur là, je te dis chapeau. Ne me déçois pas parce que tu me plais. Tu sais, tes refrains me l'ont bien mise dans le dos. Je ferai jamais le gamin, j'ai passé la vingtaine, ça faut que tu le réalises. Prends ton courage à deux mains, si t'es mal, qu'est-ce t'attends? Il faut que tu me le dises. De temps en temps, tu croiras que je ferai le fier. Dans ces moments adoucis, mon cœur de pierre. Tu veux un mec comme ton père? Je le serai que si tu joues le rôle de ma mère. Je t'assure que c'est dur ces temps-ci. N'hésite pas à me faire la morale quand je m'égare. Je veux que tu sois sereine et pas pensive. Ne nie pas les faits, je le vois dans ton regard. Toutes les gadgets, tu les fais sauter. Si t'as mon cœur là, je te dis chapeau. Ne me déçois pas parce que tu me plais. Tu sais, des refrains me l'ont bien mise dans le dos. Sois la seule à détenir ma confiance. Mais je veux être le seul à détenir ta confiance. Sois la seule à détenir ma confiance. Mais je veux être le seul à détenir ta confiance. Y'en aura des disputes, faut le mental, c'est pour ça que je te kiffe. Que demander de mieux à Dieu, si tu plais à ma daronne et ma mif. Ça faut que tu le saches, qu'entre ma mère et toi, faut faire jamais la gif. Tu le sais, c'est normal, son ventre était mon toit, sous ses pieds y'a le paradis. Faut jamais se contredire, faut qu'on soit tout le temps du même côté. Je veux que tu vois loin dans l'avenir, sinon qu'on se mette de côté. Toi et moi on fait la paire. Faut rester soudés même dans les moments de guerre. Tu veux un mec comme ton père? Je le saurais que si tu joues le rôle de ma mère. Je t'assure que c'est dur ces temps-ci. N'hésite pas à me faire la morale quand je m'égare. Je veux que tu sois sereine et pas pensive. Ne nie pas les faits, je le vois dans ton regard. Toutes les gadgets, tu les fais sauter. C'est dans mon cœur là, je te dis chapeau. Ne me déçois pas parce que tu me plais. Tu sais, les refrains me l'ont bien mise dans le dos. Sois la seule à détenir ma confiance. Mais je veux être le seul à détenir ta confiance. Sois la seule à détenir ma confiance. Mais je veux être le seul à détenir ta confiance.